Le soutien de l'agence aux opérations. Suivant les convictions de ceux qui avaient joué un rôle primordial dans les opérations d'Iran et de la Contra, l'enquête du Conseil indépendant se concentra sur le rôle de soutien joué par les officiels du gouvernement appartenant à d'autres organismes, ainsi que sur le rôle de surveillance joué par les principaux responsables du CNS. L'enquête révéla que les officiels de l'administration, qui prétendaient au départ en savoir peu sur la vente d'armes à l'Iran ou sur l'opération de réapprovisionnement illégal des Contras dirigée par North, en savaient beaucoup plus qu'ils ne le déclaraient. Le bureau du Conseil indépendant, Office of Independent Counsel, OIC, prouva que les ministres Weinberger et Schultz, ainsi que le chef du personnel de la Maison-Blanche, Donald T. Reagan, entre autres, dissimulèrent des informations qui auraient aidé le Congrès à se faire une idée plus claire de l'ampleur de l'affaire Iran-Contra. Des notes datant de la même époque, rédigées par Reagan et Weinberger, ainsi que celles dictées par Schultz, furent cachées jusqu'à ce que le Conseil indépendant les découvre en 1991 et 1992. La Maison-Blanche et le cabinet du vice-président. Comme le décrit en détail la partie de ce rapport dédiée à la Maison-Blanche, l'enquête ne fournit aucune preuve tangible de l'implication du président Reagan dans des méfaits criminels. L'OIC ne put prouver que Reagan avait autorisé ou avait été mis au courant du détournement de fonds ou qu'il ait eu conscience de l'étendue du pouvoir détenu par North dans le réseau de réapprovisionnement des Contras. Néanmoins, il prépara le terrain pour les activités illégales commises par d'autres, en encourageant et, de manière générale, en ordonnant l'aide aux Contras pendant la période allant d'octobre 1984 à octobre 1986, alors que l'aide financière aux Contras avait été interdite par l'amendement Boland. Et en autorisant la vente d'armes à l'Iran, en violation de l'embargo américain sur de telles ventes. Le mépris du président pour les lois promulguées afin de limiter ses actions à l'étranger, et plus particulièrement pour l'amendement Boland, pour l'Arms Export Control Act et pour la nécessité de notifier au Congrès les lois sur les actions secrètes, engendra une situation dans laquelle certains des membres du gouvernement, nommés pour mettre en œuvre ces politiques, trouvèrent le courage de détourner ces lois. La directive que le président Reagan donna à McFarlane, garder les contrats en vie coûte que coûte durant la période d'interdiction de l'amendement Boland, fut perçue par North, qui était chargé par McFarlane d'exécuter la directive, comme une invitation à enfreindre la loi. De même, la décision du président Reagan, en 1985, d'autoriser la vente d'armes provenant de stocks israéliens à l'Iran, malgré les avertissements de Weinberger et Schultz, qui lui disaient que de tels transferts pouvaient être en infraction avec la loi, généra la décision prise par la suite par Poindexter d'autoriser ce détournement. Poindexter dit au Congrès qu'il avait pris la décision de son propre chef, sans consulter le président, mais qu'il pensait que le président l'aurait approuvé. North déclara sous serment qu'il croyait que le président l'avait autorisé. L'enquête du Conseil indépendant n'apporta aucune preuve démontrant que le vice-président Bush ait enfreint la loi. Cependant, contrairement à ce qu'il avait déclaré en public, il était bel et bien au courant de la vente d'armes à l'Iran. Bush fut régulièrement informé, ainsi que le président, de la vente d'armes, et il participa à des discussions afin d'obtenir l'aide d'un tiers pour les Contras. L'OIC ne put prouver que Bush était au courant du détournement de fonds. En décembre 1992, l'OIC découvrit que Bush manqua de tenir un journal contenant les notes en rapport avec l'Iran et la Contra, malgré les requêtes qui lui avaient été adressées en 1987 puis au début de l'année 1992 de le faire. Bush refusa d'être interrogé une dernière fois suite aux preuves accumulées au cours des derniers moments de l'enquête de l'OIC, n'expliquant donc pas de façon claire son implication dans l'affaire Iran-Contra. La grâce accordée à Weinberger par Bush le 24 décembre 1992 devança le procès au cours duquel l'avocat de la défense avait fait connaître son intention de convoquer Bush comme témoin. Les chapitres concernant Reagan, le chef du personnel de la Maison-Blanche, et le ministre de la Justice Edwin Meese III portent sur leurs actions de novembre 1986, alors que le président et ses conseillers cherchaient à contrôler les dégâts causés par la divulgation de la vente d'armes à l'Iran. En 1992, Reagan fournit au Conseil indépendant des copies de notes prouvant que Poindexter et Meese tentèrent, afin de protéger le président, de dresser un faux compte-rendu des ventes d'armes de 1985 provenant de stocks israéliens, qui, selon eux, était illégal. Reagan ainsi que d'autres conseillers haut placés ne dirent pas la vérité, ce qui aurait permis de corriger cette fausse version des faits. Cette question ne fut finalement jamais résolue légalement. Reagan déclara ne pas vouloir être celui qui briserait le silence parmi les conseillers proches du président, qui savaient à peu près tous que le compte-rendu était un faux. Ce témoignage démontra que l'enquête de novembre 1986, effectuée par Meese, relevait plus d'un exercice visant à contrôler les dégâts qu'à démontrer les faits. Il s'entretint en privé avec le président, le vice-président, Poindexter, Weinberger, Casey et Reagan, sans prendre de notes. Même après avoir découvert le détournement de fonds, Meese ne mit pas en sécurité les rapports dans les bureaux du personnel du CNS et ne prit aucune autre mesure de prudence visant à protéger des preuves éventuelles. Et pour conclure, lors de son rapport au président et à ses conseillers, Meese donna une fausse version de ce qu'on lui avait dit, en déclarant que le président n'était pas au courant des cargaisons Hawk de 1985, dont Meese disait qu'elles pouvaient avoir été illégales. Il y eut prescription pour les activités de novembre 1986 avant que l'OIC n'obtienne ses preuves. En 1992, Meese déclara ne pas se souvenir des déclarations qu'on lui prêtait dans les notes de Weinberger et de Reagan. Il fut peu convaincant et l'on aurait pu s'attendre à ce que le temps écoulé ait fait naître un doute raisonnable s'il avait été poursuivi pour celle de 1992 sur le caractère intentionnel de ces fausses déclarations. Le rôle joué par les officiels de la CIA. Le soutien indéfectible du directeur de la CIA, Casey, pour la politique du président Reagan sur les Contras et sur la vente d'armes à l'Iran, incita certains de ses officiels à outrepasser les restrictions légales. Casey joua un rôle clé en associant North à Secord dans le soutien aux Contras, au moment où l'amendement Boland d'octobre 1984 forçait la CIA à s'abstenir de toute aide directe ou indirecte. Il soutint par ailleurs la coalition North-Secord pour la vente d'armes à l'Iran, malgré les fortes réserves émises sur Secord au sein de la hiérarchie de la CIA. La position de Casey sur les Contras incita le chef du corps expéditionnaire, Central American Task Force de la CIA, Alan D. Fierce, à faire concorder les activités de la CIA avec celles du réseau de réapprovisionnement des Contras orchestré par North, en violation des restrictions de l'amendement Boland. L'approbation de Casey pour que le CNS gère la vente d'armes à l'Iran et qu'il s'adresse à Manoucher Gorbanifar, un trafiquant d'armes, et à Secord pour cette opération, força le Directorate of Operations de la CIA à travailler avec des personnes en qui il n'avait pas confiance. Après l'affaire Eisenfuss, début octobre 1986, George et Fierce mentirent au Congrès à propos de l'implication du gouvernement américain dans le réapprovisionnement de la Contra, dans le but, comme l'a dit Fierce, d'éviter que les feux de l'actualité ne soient braqués sur la Maison-Blanche. Quand les ventes d'armes à l'Iran furent dévoilées en novembre 1986, trois des agents clés de Casey, George, Claridge et Fierce, suivirent l'exemple de ces derniers en mentant au Congrès. Quatre officiels de la CIA furent accusés d'infractions criminelles. George, sous-directeur des opérations et numéro 3 de la CIA, Claridge, chef de la division européenne, Fierce et Fernandez. George fut reconnu coupable de deux crimes, fausse déclaration et parjure devant le Congrès. Fierce plaida coupable de deux délits, ayant caché des informations au Congrès. Les quatre chefs d'accusation à l'encontre de Fernandez, obstruction à la justice et faux témoignage, furent abandonnés quand l'administration Bush refusa de déclassifier des informations nécessaires à sa défense. Claridge attendait son procès sur sept chefs d'accusation de parjure et de fausse déclaration lorsqu'il fut, tout comme George et Fierce, gracié par le président Bush.